Eh bien bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Instant Éco, le rendez-vous économique sur Radio Fadjet dont l'ambition est de vous faire aimer l'économie en parlant essentiellement de l'économie locale. Lors de chaque émission, nous aborderons une thématique spécifique aujourd'hui, entreprendre, pour apprendre, une émission co-animée bien sûr avec Francine. Bonjour Francine. Bonjour Jérôme. J'espère que tu es en forme. Mais oui Jérôme, comme toujours. Eh bien très bien, bienvenue donc pour cette nouvelle émission de l'Instant Éco. Alors, tous les sondages le confirment, les Français démontrent un vrai goût pour l'entrepreneuriat, une tendance qui se développe au fil des années. Ainsi, d'après un dernier sondage, un Français sur quatre envisage de créer ou de reprendre un jour une entreprise, soit près de 12,9 millions d'entrepreneurs potentiels. Alors, avant d'aller plus loin, peux-tu, Francine, nous dresser le panorama des entreprises en France ? Eh bien, Jérôme, l'INSEE comptabilise environ 4,2 millions d'entreprises en France, en sachant que près de 4,1 millions sont des micro-entreprises, c'est-à-dire qu'elles ont moins de 10 salariés. Alors, on retrouve ensuite environ 150 000 PME, c'est-à-dire des entreprises entre 10 et 250 salariés, 6 000 entreprises de taille intermédiaire ayant entre 250 et 5 000 salariés, et enfin 273 grandes entreprises avec plus de 5 000 salariés. Alors, la plupart des entreprises, c'est-à-dire 75%, travaillent dans le secteur tertiaire, c'est-à-dire les services, 23% dans l'industrie ou le BTP, et enfin 2% dans le secteur primaire englobant l'agriculture, la pêche ou la sylviculture, ce qui correspond à l'exploitation des forêts. Et BTP, c'est le bâtiment et travaux publics. Travaux publics, voilà. Alors merci Francine pour ces précisions. Alors si on initiait donc les plus jeunes à cet esprit d'entreprendre, eh bien c'est l'objectif donc de l'association Entreprendre pour apprendre, dont je reçois donc un représentant aujourd'hui dans l'Instant Éco. Bonjour Laurent Tessier. Bonjour Francine, bonjour Jérôme. Bonjour. Eh bien donc très content de vous accueillir dans nos studios pour parler donc de cet esprit d'entreprise. Alors pouvez-vous justement en introduction, Monsieur Tessier, nous présenter votre association ? Tout à fait. Alors chez Entreprendre pour apprendre, nous sommes créateurs de nouvelles perspectives. Nous interconnectons le monde de l'éducation, celui de l'entreprise et des territoires, et ce, au service de la réussite scolaire et de l'insertion professionnelle de notre jeunesse. Nous œuvrons au quotidien pour une orientation sereine et choisie afin que chaque jeune puisse trouver sa place dans sa société qui est aujourd'hui mouvante, que chaque jeune puisse prendre conscience de ses potentiels et entreprendre sa vie. Nous sensibilisons effectivement donc la jeunesse à l'entrepreneuriat pour qu'elle développe son champ des possibles, ses compétences et qu'elle développe son ouverture d'esprit qui sera utile à son avenir. Nous semons chez les jeunes de 9 à 25 ans la graine de l'entrepreneuriat. Grâce à nos parcours pédagogiques, qui sont appelés donc mini-entreprises, les jeunes apprennent en créant pendant quelques mois leur propre entreprise et vont la faire vivre pendant une année scolaire. Ceci étant précisé, Entreprendre pour apprendre donc regroupe un réseau de 17 associations agréées par le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, dont nos activités sont reconnues complémentaires à celles de l'école. Nous sommes 130 permanents collaborateurs d'Entreprendre pour apprendre, qui permettent notamment à la jeunesse donc de développer leur potentiel dans le cadre de projets pédagogiques entrepreneuriaux. Nous sommes également membres d'un réseau européen, d'un réseau mondial, et je tiens à le signaler, donc, notre ONG a été nommée 2 fois au prix Nobel de la paix. Très bien. Et donc cette association Entreprendre pour apprendre existe depuis quelle année ? C'est assez récent ? Alors, Entreprendre pour apprendre a plusieurs décennies donc au niveau du territoire national et en région Lorraine. Nous existons depuis 2008. Très bien. Alors avant d'aller plus loin sur les actions que vous menez au sein des établissements scolaires, peut-être quelques mots sur votre parcours professionnel et votre arrivée au sein de cette association Entreprendre pour apprendre. Alors je suis un tout jeune lycéen de tout juste 50 ans. Donc après avoir obtenu un bac B à l'époque, au siècle dernier, assez difficilement je dois le dire, donc au lycée Georges de la Tour à Nancy. Donc j'ai effectué des études supérieures de droit donc à la faculté de droit de Nancy et je suis également diplômé de lycéenne. Je n'étais naturellement pas destiné donc au monde associatif, car je suis effectivement donc salarié d'Électricité de France depuis 25 ans, où j'ai exercé donc différentes fonctions de juriste d'entreprise, de responsable commercial, d'assistant management, de responsable de centre de relations clients pendant une petite dizaine d'années, d'attaché de direction et enfin de manager opérationnel à la direction des achats. Je suis rentré effectivement donc chez EDF par la toute petite porte dans le cadre d'un stage et j'y suis encore 25 ans après. Et dans le cadre de mon parcours professionnel, j'ai eu l'opportunité de rejoindre la belle association Entreprendre pour apprendre Grand Est, soutenue par EDF, et ce dans le cadre d'un mécénat de compétences afin de la promouvoir et de développer nos parcours pédagogiques entrepreneuriaux au sein des établissements en Lorraine. Alors, Monsieur Tessier, Entreprendre pour apprendre concerne toutes les classes d'âge, des collégiens aux étudiants. Donc, combien de jeunes ont ainsi été formés à cet esprit d'entrepreneuriat et quelles sont vos perspectives ? Alors, nous intervenons effectivement donc auprès des jeunes de 9 à 25 ans, des collégiens, des lycéens, des jeunes en post-bac, des jeunes également donc en insertion emploi. Et nos parcours sont aussi adaptés à des publics rencontrant des difficultés et des freins à l'employabilité. Nous portons effectivement nos parcours pour des jeunes qui bénéficient donc de dispositifs scolaires adaptés, en situation de handicap, hors du dispositif scolaire, même en centre éducatif fermé. En France, l'année dernière, notre réseau de 17 associations régionales a accompagné plus de 35 000 jeunes sous tout le territoire métropolitain et dans les territoires ultramarins. Nous sommes présents aujourd'hui dans 1250 établissements en France et dans 7% des collèges français. Dans le Grand Est, exactement 3536 jeunes ont été accompagnés par les 10 collaborateurs d'Entreprendre pour apprendre, et ce dans le cadre de 210 parcours. En Lorraine, l'année dernière, plus de 800 jeunes ont participé à nos programmes pédagogiques, et ce dans le cadre de 46 parcours de mini-entreprises sur nos 4 départements. Et nos perspectives à la rentrée scolaire 2023 donc sont la réalisation de plus de 70 parcours dans la région Lorraine, dont nous sommes en expansion. Eh ben, bravo. Et donc, concrètement, que proposez-vous à ces jeunes pour les motiver à cet esprit d'entreprendre ? Alors, pour nos publics scolaires, la mini-entreprise se déroule pendant les heures de cours ou pendant les heures d'option ou de club, notamment dans les collèges. Et ce, le tout dans un mode d'animation et d'organisation coopératif et participatif. Nous sommes différents au regard des méthodes traditionnelles de l'enseignement. Nos méthodes sont basées sur de la pédagogie dite active, c'est-à-dire que c'est une méthode par laquelle les jeunes apprennent en faisant, ce qu'on appelle aussi « learning by doing », et apprennent aussi des uns des autres. Les jeunes sont au cœur du projet, ils en sont les acteurs et les bénéficiaires. Nous les faisons adhérer, ils s'approprient le projet et sont à l'initiative de l'idée, c'est-à-dire du produit ou du service qu'ils vont créer. Nous permettons également donc à nos jeunes d'apprendre en faisant, de mettre en pratique leur apprentissage théorique, et ce dans le cadre de nos projets entrepreneuriaux. Les jeunes sont responsabilisés. Quand nous sommes en séance de mini-entreprise, ils ne sont plus copains de classe, mais collègues de travail. Ils travaillent avec des outils du numérique, des techniques d'idéation, de brainstorming, et nos séances sont également rythmées par des energizers et des brise-glaces. Leur année de mini-entreprise est également donc marquée par et rythmée par des temps forts, notamment donc comme les mini font leur show, le salon des ventes et le festival notamment des mini-entreprises qui est notre événement phare donc qui clôture notamment l'année. Nous leur proposons à ces jeunes, dans le cadre de cette aventure entrepreneuriale ludique, de devenir tour à tour vendeur, comptable, chargé de communication, community manager, chef d'équipe, ingénieur d'affaires, à charge pour eux notamment de découvrir des métiers et peut-être, va savoir, de trouver leur voie. En tout cas, une pédagogie donc active hein, qui est sûrement donc amenée à se développer même dans les établissements scolaires dans les années à venir. Donc, vous proposez donc des activités diversifiées hein, qui permettent de comprendre la réalité de la vie d'entreprise. Alors, je trouve que ce sont des activités fort utiles quand on sait que les jeunes connaissent très peu les métiers de l'entreprise et que près de 40% d'entre eux n'ont aucune idée du métier qu'ils souhaitent exercer à leur arrivée donc sur le marché du travail. Alors, votre démarche vise à permettre aux jeunes d'être acteurs donc de leur projet tout en étant guidés par des enseignants mais aussi des mentors, hein, c'est-à-dire un professionnel. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Effectivement, donc nos mentors donc sont une forte valeur ajoutée à nos parcours. Ces professionnels, qui sont des témoins du monde de l'entreprise, du monde économique, accompagnent les projets des mini-entrepreneurs tout au long de leur durée. Dans le Grand Est, nous avons plus de 220 mentors du monde de l'entreprise et des institutions et qui sont mobilisés à nos côtés et aux côtés des jeunes. Ils interviennent bien entendu bénévolement plusieurs fois par an dans des groupes de jeunes. Les mentors sont chargés de sensibiliser les jeunes au monde de l'entreprise à travers leur expérience professionnelle. Ils partagent avec eux donc leur point de vue, leur expertise, leurs connaissances, leurs convictions. En synthèse, le rôle du mentor est d'accompagner les jeunes, de les conseiller sans leur imposer, de les aider à mener à bien leur projet, mais de surtout ne pas faire à leur place. Ils vivent une aventure humaine hors norme et vont permettre aux jeunes de grandir, notamment à leur côté. C'est parfait d'être accompagné ainsi par des professionnels qui apportent effectivement leur savoir-faire. Alors après la première pause musicale, on reviendra effectivement sur les apports effectivement de cet apprentissage de l'esprit entreprise, notamment à travers effectivement d'autres compétences que les compétences techniques. On y reviendra tout à l'heure. Mais on a l'habitude à l'Instant Éco de vous faire, des pauses musicales. Alors j'ai demandé à vous, Monsieur Tessier, donc, de me sélectionner une chanson ou une musique coup de cœur. Alors bah écoutez, mon choix s'est porté, Jérôme, sur ma petite entreprise d'Alain Bashung. C'est une chanson de circonstance. C'est une chanson de circonstance, en plus donc c'est un chanteur en plus de mon époque. Et pourquoi cette chanson? Parce que nos mini-entreprises, notamment portées et promues par Entreprendre pour Apprendre, ne connaissent pas la crise. Et ce notamment, on peut le voir au regard du nombre important de parcours et de notre volonté de pouvoir les développer encore plus. Parfait, on retrouve tout de suite donc Alain Bashung, ma petite entreprise. Le trésor satiné, doré à souhait. J'ordonne une expertise, mais la vérité m'épuise. Inlassablement se dévoile de mes doigts de palper là cet épiderme qui fait que je me dresse, qui fait que je bosse. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, de l'aube à l'aube, une partie de la matinée, et les vacances, abstinence. Ma petite entreprise, ma locomotive, avance au mépris des sémaphores, le tir du néant. Qu'importe l'amour, importe. Qu'importe l'amour s'exporte. Qu'importe le porte-à-porte en Crimée, au sud de la Birmanie, les lobbies en Libye, au Laos. Là j'écoule à mes oreilles. Ma petite entreprise connaît pas la crise, s'expose au firmament. Gère la reprise, embauche de gauche, inlassablement se dévoile, et mes doigts de palper là cet épiderme qui fait que je souque, qui fait que je toque à chaque palier, escalier, ces bâtiments B, à l'oreille de ses lèvres. Voilà, c'était donc Alain Bashung, ma petite entreprise. Vous êtes bien sur Radio Fadjet, nous accueillons pour cette émission l'Instant Éco, Laurent Tessier de l'association Entreprendre pour Apprendre. Alors donc Monsieur Tessier, juste avant cette pause musicale, vous avez évoqué donc le fait que les jeunes sont encadrés par des mentors. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le profil de ces mentors? Tout à fait Francine, donc nos mentors donc, qui sont des professionnels donc, du monde de l'entreprise, qui interviennent bénévolement, sont des cadres d'entreprise, des chefs d'entreprise, des professions libérales, des jeunes retraités et également des membres du Rotary notamment. Et nous avons mobilisé donc au sein de l'association nos partenaires, dont des collaborateurs donc d'EDF, du Crédit Mutuel, de la société Sage, de la Banque Publique d'Investissement, de HSBC, du Rotary et bien d'autres encore. Et je tiens encore à remercier tous ces professionnels pour leur engagement donc à nos côtés, au service donc de l'esprit d'entreprendre de notre jeunesse territoriale. Alors, au-delà des connaissances techniques en termes de gestion d'un budget, des outils de marketing, des statuts juridiques, votre démarche montre également la nécessité pour les plus jeunes de développer ce qu'on appelle les soft skills qui sont attendus dans les entreprises, à savoir l'esprit créatif, l'esprit d'initiative, le travail en équipe, mais aussi la capacité de rebond face à la difficulté. C'est bien l'un de vos objectifs, Monsieur Tessier. Tout à fait. Donc, nous créons des nouvelles perspectives. Nous bâtissons notamment des ponts solides entre le monde de l'éducation et celui de l'entreprise, et ce, au service d'une jeunesse à qui on donne le pouvoir de se révéler. Nos parcours pédagogiques entrepreneuriaux, donc sous l'intitulé de la mini-entreprise, vont permettre aux jeunes de développer des savoir-faire, la gestion de projet, des compétences professionnelles. La mini-entreprise va également permettre de cultiver les savoir-être pour les jeunes, leur aisance orale, la confiance en eux, la créativité, l'esprit d'équipe, la responsabilité. La mini-entreprise va également permettre d'acquérir un état d'esprit qui servira dans toutes les situations de vie de nos jeunes, la persévérance, le goût du challenge. Et ça permet également de découvrir l'entrepreneuriat, le monde professionnel. Nous sensibilisons la jeunesse à l'entrepreneuriat et nous souhaitons, dans le cadre de leur parcours, leur donner les clés pour un avenir plus serein. Alors, on va parler d'un autre sujet, parce que mener de telles actions a forcément un coût. Pouvez-vous expliquer comment se passe le financement d'une telle action ? Alors, comme j'ai pu vous le dire, donc nous sommes une association et nous avons à côté des partenaires qui sont également engagés à nos côtés, aux côtés de la jeunesse du Grand Est. Grâce à nos partenaires qui nous soutiennent, notamment la région Grand Est, la région académique, les grandes entreprises telles qu'EDF, le Crédit Mutuel, Sage, Samsung, nos partenaires institutionnels comme la CCI Grand Est, la Banque Publique d'Investissement, la Caisse Régionale des Artisans, le MEDEF et tous nos partenaires territoriaux, nous sommes à mesure de facturer aux établissements seulement une toute petite partie du coût complet du programme de mini-entreprise. Et ce, notamment pour nos parcours pédagogiques qui durent une année scolaire. La grande majorité, effectivement, donc du coût de nos parcours pédagogiques sont pris en charge par nos partenaires. Et c'est grâce à l'engagement du collectif que nous pouvons avancer ensemble et permettre au maximum de jeunes de bénéficier de ce parcours. En synthèse, Francine, j'aimerais vous dire que nous proposons un avion de chasse aux établissements scolaires à un prix modique, et ce, pour quelques centaines d'euros seulement. C'est génial. Ah, c'est une belle image, là. Alors, vous venez de décrire, effectivement, toutes les actions que vous engagez dans les établissements pour créer et mettre en place ces mini-entreprises. Alors, à la fin de chaque année scolaire, des concours régionaux et nationaux sont organisés pour, justement, récompenser les meilleures mini-entreprises. Alors, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur l'école, par exemple, qui a reçu le dernier trophée en Lorraine l'an passé? Alors, lors de notre festival régional des mini-entreprises, qui est un festival annuel qui est fait donc par territoire, nous en avons trois sur le Grand Est, donc notre festival est notre événement phare notamment dans l'année, ce festival a pour vocation notamment de fêter et de rassembler toutes les mini-entreprises pendant toute une journée afin de valoriser le travail effectué et l'engagement qu'ils ont pu mettre pour la bonne réalisation de leur projet. L'année dernière, en Lorraine, le festival donc s'est tenu le 16 mai au Fort Pélissier de Bainville-sur-Meudon. À cette occasion, des prix sont remis par nos partenaires, notamment des prix dits champions par catégorie, c'est-à-dire qu'il y a un champion lycée, un champion collège, un champion post-bac et un champion catégorie insertion emploi. Et en plus, nous avons donc nos partenaires qui délivrent notamment des labels or, argent, bronze sur des thématiques spécifiques proposées par nos partenaires. Alors, au titre de nos projets réalisés en 2022-2023 et qui ont été primés notamment lors du Festival des mini-entreprises, le prix champion Lorraine Collège, qui a été remis donc par le recteur de l'Académie de Nancy-Metz, a été décerné au collège Val-de-Seille de Nomni pour sa mini-entreprise appelée Power. Ils ont notamment développé des recharges téléphoniques. Pour notamment les lycées, le prix champion Lorraine Lycée, qui a été remis par la région Grand Est, a été décerné au lycée Émile Gallet de Thaon-les-Vosges pour sa mini-entreprise appelée Fill in Vosges, et notamment par ses produits, par sa confection de sacs en tissu. Le prix champion Lorraine post-bac remis par le MEDEF Grand Est a été décerné au lycée Louis-Vincent de Metz pour sa mini-entreprise appelée les Petits Graoli, qui ont mis en place notamment des jeux de société pour sensibiliser la jeunesse au tri sélectif. D'ailleurs, jeux de société qui se sont vendus à plusieurs dizaines d'exemplaires, notamment achetés par une communauté de communes du Sud Messin pour les distribuer aux écoles. Et enfin, le prix champion Lorraine insertion emploi, remis par la région Grand Est également, a été décerné à l'école de la deuxième chance de Forbach pour sa mini-entreprise appelée E2CBD, et ils ont fait une bande dessinée originale. Sur les 26 mini-entreprises qui étaient présentes l'année dernière au Festival des mini-entreprises en Lorraine, 17 ont été primées lors de ce festival. Alors concrètement, pour ces élèves, quelle suite sera donnée à leur projet ? Alors, nous semons, Francine, de notre côté, la graine de l'entrepreneuriat, notamment chez les plus jeunes, donc de 9 à 25 ans. Notre démarche est pédagogique. Toutefois, nous avons certains projets de mini-entreprises, notamment portés par les plus grands, les post-bac ou des lycéens en fin de scolarité, qui se sont transformés en véritables entreprises. Ce fut notamment le cas récemment en Alsace et en Champagne-Ardenne. Et ce, nous avons notamment un réseau des alumni, donc qui permettent aussi de les accompagner. Des étudiants également, dont notamment ceux du CNAM, s'interrogent également pour pérenniser leurs projets d'entreprise. Et ça, nous les orientons notamment donc vers nos partenaires et notamment vers la Banque publique d'investissement qui travaille dans notre écosystème. Alors, avec un peu de recul, parmi toutes les activités proposées, qu'est-ce que les participants ont davantage apprécié dans la mise en place de ces mini-entreprises ? Je prends, par exemple, l'esprit de compétition entre eux. Alors, 500 jeunes de notre région Lorraine ont participé donc, l'année dernière à nos parcours de mini-entreprises sur une durée de 6 à 10 mois. Effectivement, l'esprit de compétition anime de très nombreux jeunes, voire même des professeurs qui se challengent entre établissements. C'est valorisant pour une classe d'âge, pour une classe, pardon, d'être lauréate. Et j'ai envie de vous dire aussi que tout est aimé par les jeunes dans le cadre du parcours de la mini-entreprise. Trouver la bonne idée, le produit ou service, s'occuper de la production, de la communication, des finances, du marketing, de la vente, diriger la mini-entreprise, chacun y trouve son compte et son plaisir. Et pour ceux qui ont échoué dans la mise en place de leur projet ou au niveau des qualifications, c'est aussi l'apprentissage par l'échec. Tout à fait, Jérôme, même s'il n'y a pas d'échec dans nos parcours. Oui. Ne dit-on pas que quand on échoue, on apprend ? Je parlerai plutôt d'erreur. L'erreur est une partie essentielle du processus d'apprentissage. Très souvent, lorsqu'un résultat ne répond pas à nos attentes, nous avons tendance à considérer cette expérience comme un échec. Ce qui n'est pas le cas. Dans nos parcours, le droit à l'erreur est valorisé. Les échecs nous donnent la possibilité de rebondir, d'apprendre de nos erreurs et nous aident à apprécier le succès. Grâce à l'apprentissage par l'action, nous pensons qu'en se trompant, nous apprenons à mieux rebondir. Et enfin, comme le disait Socrate, la chute n'est pas un échec. L'échec, c'est de rester là où on est tombé. Très bien. Bonne conclusion. Alors là, on vient de parler donc des élèves, des étudiants, mais au-delà des participants, quel est le retour du monde enseignant ? Alors, nous travaillons en étroite collaboration avec le monde enseignant et notamment donc avec nos correspondants donc des cellules relations école-entreprise au sein de nos différents rectorats, de Nancy-Metz, de Reims et de Strasbourg, que je salue au passage. Mais nous sommes plébiscités par les enseignants. La mini-entreprise transcende les apprentissages scolaires transmis aux jeunes par le corps professoral. Nos programmes permettent aux jeunes de mettre en action de manière concrète les apprentissages scolaires enseignés par les professeurs qui encadrent les mini-entreprises. Nous sommes parfaitement complémentaires avec l'éducation nationale, donc, et l'enseignant a un rôle central dans nos projets pédagogiques. L'encadrant enseignant est l'animateur principal du projet, il est garant du cadre pédagogique, temporel et logistique, il assure la discipline, il accompagne les jeunes à chaque parcours, il est présent à chaque séance. Nous formons les enseignants, notamment à la pédagogie active, nous les accompagnons dans cette démarche et nous les outillons en conséquence. Et d'ailleurs, j'avais le plaisir, Francine et Jérôme, de vous avoir hier à mes côtés au rectorat, car vous lancez des mini-entreprises au sein de Georges de la Tour. C'est ça. Tout à fait. Alors justement, on approfondira cette relation entre éducation nationale et monde de l'entreprise après notre deuxième pause musicale. Alors, quel a été votre choix, Monsieur Tessier ? Ah bah écoutez, mon deuxième choix musical s'est porté donc sur la chanson Happy de Pharrell Williams. Alors pourquoi Happy ? Ah ben, c'est toujours donc dans le prolongement donc de ce que peut apporter la mini-entreprise. Donc nos parcours pédagogiques, entrepreneuriaux, nos jeunes vont y vivre une expérience humaine hors norme pendant laquelle tout le monde va coopérer, se révéler, échanger, apprendre dans la joie et dans la bonne humeur. Nos parcours sont ludiques et les jeunes, les encadrants, les mentors et nous-mêmes y prenons énormément de plaisir. Eh bien, j'adore en plus cette chanson, donc on la retrouve tout de suite. Happy de Pharrell Williams. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without. Voilà, vous venez d'écouter donc Happy de Pharrell Williams. Alors, vous êtes bien sur Radio Fadjet dans notre émission L'Instant Éco, nous, et nous accueillons donc monsieur Laurent Tessier qui représente donc l'association Entreprendre pour apprendre. Alors, finalement, monsieur Tessier, la démarche donc Entreprendre pour apprendre, c'est une relation gagnant-gagnant entre les enseignants et les élèves. Tout à fait, Francine. Nous sommes parfaitement complémentaires donc avec les professeurs et c'est pour ça d'ailleurs que nous sommes agréés par le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Nos parcours ont également un impact très positif sur les enseignants. Permettez-moi de partager avec nos auditeurs quelques chiffres issus d'une dernière étude d'impact national. 100% des professeurs ayant vécu le parcours pédagogique de mini-entreprise recommanderaient le programme à leurs collègues. 85% des enseignants considèrent que le programme répond à un besoin essentiel et non couvert. Et 65% affirment que l'expérience de conduire une mini-entreprise a eu un effet positif sur la fierté à exercer leur métier. Et puis un autre chiffre aussi, nous avons quasiment 60% des mini-entrepreneurs et des mini-entrepreneuses qui affirment que le programme a changé positivement leur intérêt pour l'école. Bravo, un beau bilan. Hein. Alors donc justement, si des enseignants souhaitent mettre en place une action entrepreneuriale dans leur établissement, Monsieur Tessier, pouvez-vous nous expliquer donc les démarches à suivre ? C'est très simple, Jérôme. J'invite donc tous nos enseignants, donc chefs d'établissement, donc chefs des travaux, à taper dans votre moteur de recherche préféré sur Internet Entreprendre pour apprendre Grand Est et laisser notamment vos coordonnées dans la rubrique Nous contacter et nous serons ravis de vous rappeler très rapidement. Vous pouvez également nous retrouver et nous suivre sur les réseaux sociaux LinkedIn, Facebook et Instagram. Très bien, merci Monsieur Tessier. Donc si je devais résumer votre action, donc Entreprendre pour apprendre, donc c'est un travail d'équipe avec une confiance en soi, prise de responsabilité. Voilà en quelques mots la philosophie de cette démarche des mini-entreprises mises en place par l'association Entreprendre pour apprendre qui permet aux jeunes de se préparer au monde du travail tout en démontrant l'intérêt de poursuivre aussi des études pour disposer de tous les bagages nécessaires pour mener à bien ce projet de création d'entreprise. Eh bien, merci Monsieur Tessier pour votre dynamisme, votre élan, qui j'en suis certain ne pose aucun souci pour motiver les collégiens, les lycéens et les étudiants dans leur projet de création de mini-entreprise. Merci de nous avoir éclairé sur cette initiative qui, je l'espère, va perdurer et prendre de l'ampleur dans les années à venir. Merci Francine, merci Jérôme pour votre invitation. Merci beaucoup à vous. Eh bien, n'hésitez pas en tout cas à faire vos commentaires sur la page donc, de Radio Fadjet et de nous faire des suggestions sur les thèmes que vous souhaitez voir abordés dans cette émission. Eh bien, Francine, on se retrouve bien sûr le mois prochain. Mais oui, Jérôme. Toujours fidèle. À l'Instant Éco et à Radio Fadjet. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas donc de rester fidèle à Radio Fadjet.